Today, 23rd of June, year 2016. So our retreat going on more than 1 week already. We are practicing Vipassana meditation. Vipassana meditation is to understand the reality, what is as real as they are. We are study in our inner core, sometime putting efforts and progress that is more and more to get confidence. Sometimes our effort and concentration not balanced up. That time is we will be restless, will be boring, and will be become a laziness, a lot of disturbance, hindrances arise. Nous sommes aujourd'hui le 23 juin 2016. Nous sommes occupés à pratiquer la méditation Vipassana depuis plus qu'une semaine. Et nous le faisons dans le but de comprendre la réalité, de voir les choses telles qu'elles sont réellement. Parfois, nous sommes capables de fournir un gros effort. Nous progressons et la confiance se renforce. Mais parfois, nous allons diminuer notre effort et en conséquence, nous allons commencer à nous ennuyer, nous deviendrons paresseux et la torpeur va s'installer en nous. Tout ceci est très normal. Comment va-t-on s'y prendre pour surmonter ces empêchements? Il y a 4 pratiques pour y arriver, et dont il sera question aujourd'hui. Il y a 4 pratiques qui vont soutenir notre méditation. Ces 4 pratiques se disent en pali, Buddhanusati, Metta, Asubha et Maranasati. Buddhanusati, c'est la contemplation des vertus du Bouddha, des qualités du Bouddha. Metta, c'est la pratique de l'amour bienveillant. Asubha, c'est la méditation sur la paix repoussant du corps. Maranasati, c'est la méditation sur le caractère inévitable de la mort. Il y a donc ces 4 pratiques qui vont nous permettre de renforcer notre méditation Vipassana. Elles vont soutenir la méditation Vipassana. Tous les matins, nous pratiquons la première de ces méditations. Nous répétons tous ensemble les qualités du Bouddha, iti, piso, etc. Donc nous le faisons tous les jours. Mais évidemment, il faut répéter ces qualités du Bouddha en se pénétrant de la signification des mots pali. Sans quoi, cette méditation n'aura pas beaucoup de résultats. Si nous récitons les qualités du Bouddha en comprenant en profondeur ces qualités, en étant attentif au moment où nous les récitons, notre énergie va se renforcer. Plus on comprend les qualités du Bouddha, plus l'énergie se développe. En général, on débute la journée de méditation par la pratique de Buddhanusati, la contemplation des qualités du Bouddha. Et on termine la journée, en général, par la pratique de Metta, l'amour bienveillant. Tout ceci peut être vu dans les Écritures. Lorsque donc on pratique l'amour bienveillant, on le fait avec attention. On essaie de comprendre la signification des mots qu'on répète. Si on pratique de cette façon, l'énergie va se développer. Lorsque l'énergie sera devenue puissante, nous pourrons constater que notre attention et notre concentration se sont également renforcées. La troisième pratique, c'est Asubha, la méditation sur le caractère impur du corps. Le corps, en réalité, est plein d'impureté. Si nous sommes très attentifs, nous pourrons le réaliser. Notre corps est sale. Le matin, la première chose que nous devons faire lorsque nous nous levons, c'est le laver. Nous devons nous rincer le visage, nous devons nous brosser les dents, etc. tout ceci est un réel poids. C'est quelque chose que nous sommes obligés de faire. Le corps nous y oblige. Plus on voit que le fait d'avoir un corps est un véritable fardeau, plus on comprend donc le caractère impur du corps, moins nous serons attachés à ce corps. En fait, la personne que nous aimons le plus, c'est nous-mêmes, même si parfois on pourrait croire que c'est quelqu'un d'autre. En réalité, c'est nous-mêmes que nous aimons le plus. Nous sommes très attachés à notre personnalité. Il y a donc beaucoup d'attachements, notamment pour le corps. C'est précisément cet attachement au corps qu'on va pouvoir diminuer par la pratique de Asubha. La quatrième méditation consiste à réfléchir à la mort. Maranasati, contemplation du caractère inévitable de la mort. Si nous pratiquons ce type de méditation et que nous réfléchissons régulièrement à la mort, nous pourrons apprécier la valeur de notre vie. Nous comprendrons qu'après la mort, tout a disparu, tout est fini. Avant d'être mort, on est fier d'être en vie, on a de l'orgueil, on a beaucoup d'attachement pour l'ego. À cause de toutes ces impuretés mentales, la vie en société est difficile. Il y a beaucoup de disputes et de querelles. Le Bouddha nous dit que si nous pratiquons la méditation sur la mort, nous pourrons réussir à ne pas nous disputer. La vie sera harmonieuse. Il faut donc réfléchir souvent au caractère inévitable de la mort. Nous devons nous dire que nous pouvons mourir à n'importe quel moment. La mort peut se manifester, se présenter n'importe quand. Si nous réfléchissons régulièrement à cela, notre énergie va s'en trouver renforcée. Nous comprendrons également que l'effort, c'est maintenant qu'il faut le faire, maintenant que nous ne sommes pas encore vieux, que nous ne sommes pas encore malades et que nous ne sommes pas encore morts. Nous devons comprendre que la vie humaine est très précieuse et qu'il faut faire l'effort avant de mourir. On peut constater que beaucoup de personnes se suicident de nos jours. Ils se suicident tout simplement parce qu'ils n'ont pas compris la valeur de leur vie. Dans la vie, on peut créer toutes sortes d'actions positives, que ce soit au niveau des actions physiques, au niveau des paroles ou au niveau de l'esprit. Nous créons ainsi du bon karma, du karma positif. Et ce karma positif nous sera très utile dans la vie. Personne n'aime réfléchir à la mort. C'est quelque chose de repoussant et qui fait peur. Mais il faut comprendre que la mort est un phénomène très naturel. Plus on réfléchit au fait qu'on peut mourir à n'importe quel moment, plus la vie va devenir pure. Nous aurons compris que la mort est quelque chose d'inévitable et qu'après la mort, tout cela aura disparu. Pourquoi s'obstine-t-on à être avide, à être orgueilleux, à être colérique? Puisque après la mort, tout cela aura disparu. Si nous réussissons à lâcher prise, à éviter ce type de comportement, nous souffrirons moins. Par contre, si nous ne laissons pas tomber ce type de comportement, l'attachement à la vie, au corps et à l'esprit va se renforcer et tout ceci aura pour conséquence la souffrance. Ces quatre méditations n'appartiennent pas à la famille de Vipassana. Elles appartiennent à Samatha. Il y a 40 sujets de méditation Samatha, parmi lesquels ces quatre types de méditation dont il vient d'être question. Mais le Bouddha en a parlé tout simplement parce que si on pratique ces quatre types de méditation, cela va nous aider dans notre pratique de Vipassana. On peut donc dire que ces quatre méditations sont les amis de Vipassana. Parfois, au cours de notre méditation Vipassana, nous nous sentirons somnolents. Parfois, si notre attention et notre concentration sont faibles, nous allons nous ennuyer. Parfois, nous aurons des sensations agréables et nous allons nous y attacher. Parfois, il y aura des sensations désagréables et c'est l'aversion qui va se manifester. Tout ceci, ce seront donc des choses difficiles à gérer au cours de notre pratique de Vipassana. Mais si nous prenons l'habitude de faire appel à l'une ou l'autre de ces quatre méditations dont il vient d'être question, cela nous permettra de rafraîchir notre pratique de Vipassana. Nous allons emmagasiner de l'énergie grâce à ces quatre méditations et la pratique de Vipassana va devenir plus forte et nous pourrons atteindre la libération. Pour atteindre la libération, l'illumination, il n'y a qu'un seul chemin. Ekayana nous dit le Bouddha. Les quatre établissements de l'attention. Mais si vous avez des difficultés au cours de votre pratique de Vipassana, vous pouvez faire appel à ces quatre amis. Nous allons donc pratiquer ces quatre types de méditation, les quatre amis de Vipassana. C'est parce que nous comprenons, au niveau des concepts, que ces pratiques peuvent amener leurs bénéfices. Par exemple, lorsque nous pratiquons Buddha Anusati, la contemplation des qualités du Bouddha, nous réfléchissons aux vertus du Bouddha. Nous comprenons que le Bouddha n'était pas un être ordinaire. Nous comprenons qu'il est né en tant que roi. Il régnait donc sur son pays, tout lui appartenait. Il avait tous les pouvoirs. Si le roi décidait de mettre fin à la vie de quelqu'un, il était libre de le faire. Nous comprenons que le Bouddha a renoncé à tout cela pour se mettre en quête de la vérité. Le Bouddha s'est donc rendu dans la forêt pour pratiquer. Nous pouvons mieux comprendre l'effort qu'il a dû faire si nous nous comparons à lui. Nous aussi, nous sommes venus ici pour pratiquer la méditation. Nous avons dû renoncer à beaucoup de choses pour le faire. Et nous avons accepté de renoncer à tous ces plaisirs, tout simplement parce que nous comprenons que ces plaisirs, l'attachement à tous ces plaisirs est source de souffrance. En fait, ce à quoi le Bouddha a renoncé est beaucoup plus important. Il a dû renoncer à son trône, il a dû se rendre dans la forêt, et en Inde, vivre dans la forêt est quelque chose de très difficile parce qu'il fait froid. Le Bouddha a dû passer 6 ans dans la forêt à pratiquer la méditation dans le but de réaliser la vérité. C'était donc très difficile. Il a dû renoncer à sa vie de famille, à son jeune fils qui venait de naître. Tout cela était très difficile. Finalement, au bout des 6 ans d'efforts, le Bouddha a atteint l'illumination. Lorsqu'il a atteint l'illumination, il l'a éliminé de son esprit, éradiqué de son esprit toute forme d'impureté, comme la colère, le désir avide, la jalousie, l'orgueil, etc. Toutes les kilesas ont entièrement disparu de son esprit. Son esprit était devenu totalement pur. Il avait atteint l'état d'arhat. Donc si nous réfléchissons à cela, nous comprenons que c'est très difficile d'y arriver. Et nous comprenons que les vertus du Bouddha sont innombrables et très profondes. Nous allons alors avoir de l'admiration pour le Bouddha, pour l'effort qu'il a fourni. Et tout ceci va amener un regain d'énergie chez nous. Nous allons également comprendre que ce que le Bouddha enseigne, il l'a lui-même pratiqué avant de l'enseigner. Il ne s'est mis à enseigner qu'à partir du moment où il avait compris très clairement tout cela. Ce n'est qu'après avoir compris pour lui-même qu'il s'est mis à enseigner. Son enseignement était donc très clair et très sûr. Comme le Bouddha n'avait plus aucune forme d'impureté dans son esprit, il était devenu un arahant. C'est la signification du mot arahant. Il était devenu digne d'offrande. C'est une autre signification du mot arahant. Il est digne d'offrande, quelle que soit la personne qui lui fait ses offrandes. Une autre signification du mot arahant, c'est qu'une telle personne ne fera jamais quelque chose de mal, même s'il devait se retrouver tout seul dans une pièce. Ah, c'est un alpha privatif, raha, arahant, raha, c'est un endroit isolé. Une personne qui est devenue un arahant ne peut plus faire aucun mal, mal se conduire, même s'il se trouve dans un endroit isolé. Et tout ceci est tout simplement dû au fait que l'esprit d'un arahant, d'un bouddha, ne contient plus aucune forme d'impureté. Il est donc impossible qu'il se conduise mal. Si on comprend tout cela, on aura de plus en plus confiance dans le Bouddha et cela nous sera très bénéfique. Une autre qualité du Bouddha, c'est Samma Sambuddho. Il y a trois parties dans ce mot. Samma veut dire par lui-même, Sam veut dire clairement, parfaitement, et Buddho veut dire comprendre. C'est donc quelqu'un qui a compris parfaitement par lui-même. Et qu'a-t-il compris? Il a compris la vérité non seulement telle qu'elle se manifeste dans cette vie présente, mais également dans l'univers tout entier. Dans les 31 plans d'existence, il a compris les choses dans les mondes inférieurs, comme le monde des animaux, le monde des esprits avides, le monde des enfers, dans les mondes de Deva, dans les mondes de Brahma. Il sait tout, il a compris la vie dans tous ces plans d'existence. Tout le monde n'est pas capable, bien sûr, de comprendre à fond de cette façon. C'est la signification de l'expression « sabbe nyuta ». Le Bouddha avait l'omniscience. Il a tout compris, non seulement à propos donc de cette vie présente, mais également de ses vies antérieures et des vies futures, non seulement les siennes, mais celles des autres. Il était capable de voir les vies antérieures des gens, non seulement celles qui venaient juste avant, mais pouvait retourner en arrière jusqu'à des millions de vies. Il savait tout. Les personnes qui pratiquent Samatha vont également réussir à comprendre les vies antérieures, mais ils ne le feront pas de façon aussi parfaite que le Bouddha. Il y a par exemple les 5 khandhas qui constituent un être. Parmi ces 5, il y en a 4 qui sont mentaux. Tout ceci est très difficile à différencier. Une personne ordinaire qui essaierait de différencier ses esprits différents ne pourra y arriver que par l'étude théorique. Dans la pratique, elle ne fera pas la différence entre ces esprits. C'est un petit peu comme s'il y avait là un jus multifruit. Il est impossible de savoir quelle molécule appartient à l'orange, quelle molécule appartient au citron, quelle molécule appartient aux pommes. Toutes ces saveurs sont mélangées. C'est la même chose avec l'esprit. Ces différents esprits sont mélangés et il est impossible de faire la différence, mais le Bouddha en était capable. Il est impossible de comprendre de façon très claire quelles sont les caractéristiques, les fonctions, les causes prochaines de tous ces facteurs mentaux. On ne peut y arriver que par l'étude livresque, mais le Bouddha était capable de les expérimenter à l'intérieur de lui. Il avait donc l'omniscience. Si nous réfléchissons à cette qualité détenue par le Bouddha, nous allons voir notre énergie se renforcer. So that's why they say we need to learn more and more, then we can realize what we are doing now is not simply job, very great job. Then we can get more energy and to progress of our meditation. These 4 kinds of samatha meditation take care of our vipassana meditation. Quite big topic, yes, we can talk so long. That's why it is, I think maybe tomorrow I will continue a bit now. Nous devons donc étudier de plus en plus ces choses, comprendre de mieux en mieux quelles étaient les qualités du Bouddha. Nous devons comprendre que ici, le travail que nous faisons est un travail très noble, très difficile. Si nous comprenons que nous sommes occupés à faire un travail très noble, cela va également décupler notre énergie. Notre méditation va s'en ressentir, elle va progresser. Ces 4 méditations vont donc nous soutenir tout au long de notre cheminement vipassana. That's why today the time is up. So may you all be able to get that of energy and to raise up our Vipassana meditation to progress until reach to the our final goal. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu. Sadhu.